الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bon, nous sommes arrivés au 15e dars, à la 15e leçon de cette série de doros sur l'itqan de l'imam Suyuti. Nous sommes arrivés au rythme de la prononciation, maratib al-ada, qui est de trois niveaux: le tahqiq, qui est la précision dans la prononciation, le hadr, qui est l'arrestation dynamique, et le tadwir, qui est un niveau intermédiaire. Nous avons parlé déjà du tahqiq, qui est l'arrestation lente et posée, où on respecte les moudouds, les voyelles longues, où on respecte on accentue la shadda. C'est une récitation qui est lente, comme j'ai dit. Et bon, sauf qu'il y a une chose, c'est que dans le tahqiq, dans la prononciation lente et posée, il faut éviter l'exagération. Il faut éviter le prolongement excessif des voyelles courtes, comme la damma, la fatha, la kasra. Faut pas dire, par exemple, اهدنا الصراط المستقيم اهدنا. Non, c'est اهدنا. La kasra, il faut respecter son temps, il ne faut pas la prolonger. Sinon, c'est comme si on met un ya entre la hamza et le ha. Ou il faut aussi éviter de vibrer le R. Lorsqu'on dit ar-Rahman ar-Rahim, on dit ar-Rahman ar-Rahim. Il ne faut pas vibrer le R, surtout bon, quand le Ra comporte la Shadda, comme dans l'exemple que je viens de citer. L'imam Hamza Zayet, il a entendu quelqu'un exagérer dans le tahqiq, dans la prononciation lente. Il a entendu exagérer dans le tahqiq en prolongeant les moudoud. Il lui a dit, ne sais-tu pas que qu'au-delà de la blancheur de la peau, il n'y a que l'albinisme, et ne sais-tu pas qu'au-delà de la frisure, ce sont des cheveux crépus? Est-ce qu'il y a au-delà de la qira'a, ne fait plus partie de la qira'a, ce n'est pas de la qira'a. Donc quand on exagère, on dénature la qira'a. Certains classent parmi ces niveaux le tartil. Ils le mettent parmi ces niveaux-là. Ici, nous parlons bien sûr du langage technique. Nous avons déjà expliqué le tartil dans son emploi dans le Coran, savoir l'agencement des versets. C'est vrai que techniquement parlant, le tartil, c'est une lecture lente. Agencement vocal, lecture lente. Mais le tartil, c'est pour la méditation, la réflexion et la déduction des enseignements, comme a dit Suyuti. Il a dit tout tahqiq est un tartil, mais tout tartil n'est pas forcément un tahqiq. Mais c'est vrai que normalement le tartil s'applique au tahqiq, et il s'applique au hadr, la récitation dynamique, et il s'applique à la récitation intermédiaire. On trouve dans certains livres que les savants, ils disent non, le tartil, ça veut dire tous ces niveaux-là. Du moment qu'on prononce bien les lettres et qu'on respecte, qu'on psalmodie, on articule bien les lettres et on respecte les prolongations des voyelles, c'est du tartil. Bon, le deuxième niveau, c'est le hadr. Le hadr, c'est marcher rapidement, c'est dévaler, descendre une pente. C'est ça le hadr. Même en derja, on dit hadura. Hadura, ça veut dire une pente. C'est comme tu descendais d'une pente. Tu descends rapidement. Donc hadr, c'est récitation dynamique. C'est l'opposé du tahqiq. On raccourcit, ce qu'on appelle l'khtilas, on raccourcit les voyelles, on fait le qasr, on ne prolonge pas certaines voyelles. Surtout quand il s'agit du med monfacil, il s'agit du med disjoint, quand la voyelle longue se trouve dans un mot et la hamza se trouve dans le mot suivant, comme qalou amanna, yaqalou, le verbe, et Amana, le verbe amana. Et on prolonge entre les deux. Qalou amana, c'est ce qu'on appelle le madl munfasil. Dans le hadr, on ne le respecte pas. On ne prolonge pas ces voyelles-là. Et on diminue aussi les arrêts. Le but, c'est quoi? Le but du hadr, c'est de réciter le plus grand nombre de versets. Comme quand on répète ce qu'on a appris par cœur ou quand on fait la prière du tarawih. Certains imams, ils récitent dans la prière avec le tahqiq. Et font souffrir les gens, surtout s'ils n'ont pas une belle voix. Aussi, quand on a un hizb quotidien, on récite par le hadr. On s'est fixé par exemple un hizb, une partie du Coran, quotidiennement. Bon, on récite par le hadr. Seulement, il faut éviter de réduire le ton de certaines voyelles plus qu'il n'en faut. Il faut éviter aussi d'étouffer la runna, la nasalisation de certaines voyelles. Il faut éviter ça dans le hadr. C'est-à-dire, tout en faisant le hadr, tout en faisant la récitation dynamique, on respecte, on articule bien les mots, on respecte certaines moudoutes, certaines prolongations. Et on évite aussi de rentrer certaines, d'insérer certaines lettres dans d'autres. Surtout celles qui n'acceptent pas l'élision, comme ghayril quand on lit ghayril mardoubi alayhim, on lit. Mais attention, quand dans le hadr, attention de ne pas introduire le mime dans le waou. Parce que certains, en récitant rapidement, ils disent ghayril mardoubi alayhim. Ils font l'idgham du mime dans le waou. Ils font rentrer le mime dans le waou parce que le mime et le waou sont des labiales, sont deux lettres labiales qui sortent des lèvres et donc ils les confondent. Et ça, même dans le tahqiq, même dans la récitation lente, certains tombent dans cette erreur-là. Wahum fiha khalidun, il dit Wahum fiha khalidun. Ou bien il ferme pas ses lèvres quand il prononce le mime. Alors que quand on prononce le mime, il faut fermer les lèvres. وهم فيها خالدون. Ils n'ont pas وهم فيها خالدون. Ils prononcent la lettre mime avec un ikhfa. Ils la prolongent. وهم فيها. Il fait un idgham parce que le mime et le fa ont presque la même zone d'articulation. Il faut éviter par exemple de dire quand on dit وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقلنا, il dit وقلنا. Il rentre le lam dans le nun. وقلنا. Parce qu'il récite rapidement. Waja'alna, au lieu de waja'alna. Donc, il faut éviter ce genre d'erreur. Le troisième niveau, c'est un niveau intermédiaire entre le hadr et le tahqiq. C'est ce qu'on appelle le tadwir. C'est cette manière qu'adoptent la plupart des imams des qira'at. Comme a dit Ibn al-Jazari et l'imam Suyuti. Il a dit Madhhab sa'ir al-qurra wa sahha an jami' al-a'imma. Ibn al-Jazari a dit que le tartil recommandé dans le Coran visite cette méthode-là. Ça, c'est le propos d'Ibn al-Jazari. Ça, ce sont les trois maratib que vous trouvez dans les livres du Tajwid. Il y a un autre niveau, il y a un quatrième. Un quatrième. Ça, c'est notre cheikh marocain, cheikh Mustafa al-Buhayawi, qui l'a ajouter l'importance des chiours. Vous ne le trouvez pas dans l'itqan. Ce niveau s'appelle le jama'. C'est quoi le jama'? C'est le fait de réunir plusieurs qira'at. Avant, les élèves récitaient devant leur cheikh qira'a par qira'a et riwaya par riwaya, c'est-à-dire que le disciple récitait selon Hafs, puis quand il veut étudier la riwaya de Shu'ba, il la récite séparément. Warsh, il le récite séparément. C'est-à-dire, il récite qira'a par qira'a. Le Coran, du début jusqu'à la fin, ou durant une séance, il récite une qira'a. Et là, jusqu'au 5e de l'Hégire, 5e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire à l'époque d'Abu Amr Dani, Abu Amr est mort en 444 de l'Hégire, c'est le 5e siècle de l'Hégire, il y a 9 siècles déjà. On innova cette pédagogie, cette méthode. Mais d'autres du jama, certains qui sont allergiques au nom bid'a ou au nom innovation, ils vont crier: Oh, bid'a, bid'a, les salafs ne l'ont pas fait, donc c'est une bid'a. Non, non, non. Ou ils disent: Jamais les salafs n'avaient réuni les qira'at. Ah, mais écoutez, quand une méthode s'impose en raison de circonstances particulières et qui servent des objectifs légaux, elle devient exempte du caractère blâmable de la bid'a. Il faut revenir au muwafaqat de l'imam Shatibi pour voir ça. Imam Shatibi, qui est un géant dans ce domaine, qui a fait son livre L'I'tisam, rien que concernant les bid'a, les innovations. Dans ce cas même, les qira'at sont une bid'a, hein, parce que les compagnons, les tabi'in, ne récitaient pas selon nos qira'at là. Hein. Vous lisez selon Hafs an Asim, et Hafs est venu plus tard. Les savants des qira'at, Ibn Jazari et autres, ont approuvé cette méthode, mais ont exigé il faut d'abord que l'étudiant récite séparément les riwayats. D'abord, il récite séparément les riwayats, et ensuite, quand il devient, c'est-à-dire compétent, il passe au jama'a, il passe à la réunion. Le jama'a, c'est quoi? Attention, mais là, je mets entre parenthèses, je dis que le jama'a, la réunion des qira'at, c'est dans la séance d'études. C'est une méthode pédagogique, pas dans la prière. Il est interdit de le faire dans la prière. Hein? Ou dans la récitation devant les gens. Dans la prière, c'est une bid'a, donc il faut bien me comprendre, parce que certains frères, ils jouent avec ce genre de choses. Ils t'entendent dire le jama' et tout, ils vont vers un cheikh. Il y a cheikh, il y a un qui dit qu'on a le droit de réciter différentes qira'a en même temps. Et le cheikh, il va répondre selon la question, il va dire non, celui-là qui dit ça, c'est un mubtadi' et tout. Non, faut que, parce que certains, quand ils demandent, ils posent la question au cheikh, ils ne détaillent pas. Ça, c'est une injustice. Donc, dans la séance d'études, on fait le jama'. Et ça se fait partout dans le monde, en Arabie Saoudite, dans les grandes universités et tout, chez les Qurra, ils font le jama' pour tester l'élève et voir qu'il a bien saisi les différentes qira'a. D'accord? Le jama', c'est quoi? Le jama', c'est que l'étudiant récite le verset. Je dis le verset parce qu'il y a d'autres méthodes. Hein. Il y en a qui s'arrêtent sur certains avant que se termine le verset ou deux versets. Hein. Ça. Il récite le verset selon une riwaya. Par exemple, riwaya Warsha an-Nafi'. Et quand il termine, il passe à une autre riwaya. C'est-à-dire, il a commencé par Warsh, puis après Qalun. Puis après, il passe à Shu'ba, puis après, il passe à Hafs an Asim, Khalaf an Hamza, selon le livre qu'il étudie. Shatibiyya, le livre de Shatibiyya qui constitue une référence ou autre. Hein? S'il commence par Nafi', l'étudiant commence. S'il commence par l'affaire, sa référence, c'est Chatabia, c'est-à-dire il se base sur le livre de Chatabia. Les Marocains travaillent sur le livre Ad-Durar al-Lawami' qui commence par Warsh, puis Qalun. Hein? En Orient, en Arabie Saoudite, ils suivent le kitab de Chatabia. Hein? Ils récitent riwaya par riwaya. Comme par exemple, il dit: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil-iman faqad dalla sawa'a as-sabil. Ça, c'est Qalun. Qalun est ici comme Asim, comme Asim, comme qira'at Asim. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما س... أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أن تسألوا رسولكم كما س... لا لا هي المد يا في لو مد دو ميم دو بلوريال دو رسولكم إلى في لو مد رسولكم دو حركة. Ça, c'est qira'at Qalun, une autre qira'at de riwaya de Qalun, et il rentre avec Qalun ibn Kathir al-Makki. C'est comme ça qu'Ara'at al-Jam'. Il lit, il récite, au début comme ça avec Qalun, après une autre riwaya de Qalun, et là, Ibn Kathir al-Makki il entre, et il lit par exemple Am turiduna an tas'alu kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil. Ça c'est riwayat Warsh. J'ai prolongé bil imani et j'ai fait l'insertion, l'élision du dal dans le da. Wa man yatabaddal al-kufra bil imani. Biliman, faqad dalla, non, je dis faqad dalla sawa as-sabil. J'ai rentré le dal dans le dal, ça c'est riwayat Warsh. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra biliman faqad dalla sawa as-sabil. J'ai prolongé, ça c'est une autre riwayat, ça c'est riwayat Warsh selon un autre tariq. C'est une prolongation bilimani. Une autre. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa' as-sabil. Ça c'est riwayat Khalaf an Hamza. Khalaf an Hamza, il fait pas l'idgham avec l'analysation entre le nun et le ya. Ni avec le nun et le wa. Il ne dit pas وَمَنْ يَتَبَدَّلْ. Il dit وَمَنْ يَتَبَدَّلْ directement. Et il fait le secte, la pause silencieuse. Il dit وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بِالْإِيمَانِ. Il fait le secte. Ça c'est une caractéristique de Khalaf an Hamza. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Parce que Hamza aussi, il fait l'idgham du dal dans le dad. Ça c'est qira'at al-jam', c'est-à-dire l'élève il récite riwaya par riwaya, et le cheikh il dit arrête, qu'est-ce que tu as fait ici, pourquoi tu as fait l'idram ici, pourquoi tu as fait le secte ici, et l'ordre c'est selon le livre qu'il travaille. Nous allons passer dans inchallah, passer à l'élocution, c'est-à-dire la manière d'articuler le son, les sons récitant le Coran. Nous venons de parler du rythme, de l'élocution, de maratib al-ada. Mais si nous abordons l'élocution, c'est ce qu'on appelle ilm al-ada. Nous sommes toujours sous le chapitre le grand chapitre du tartil. Alors, l'élocution coranique se divise en deux. L'ada al-khas, l'élocution spécifique, et l'ada al-mushtarak. L'ada al-khas et l'ada al-mushtarak. L'élocution spécifique, normalement, c'est une élocution propre à chaque qari. C'est la science des qira'at. C'est-à-dire comment tu récites la qira'at de Asim, ou la riwaya de Hafs, ou la riwaya de Hafs selon les différents taruq, tariq al-Hashimi, etc. Ou comment tu récites selon la qira'at de Nafi', ou la riwaya de Warsh. Ou la riwaya de Qalun, ou la riwaya de Warsh selon le tariq al-Azraq, ou selon le tariq al-Asbahani. C'est ça l'élocution spécifique. L'élocution spécifique, elle se fonde sur deux piliers, si vous voulez. Sur les règles fondamentales, c'est ce qu'on appelle les usul, et ce qu'on appelle le farsh. Les règles fondamentales, ce sont les fondements, ce sont l'idgham, l'idhar, l'ikhfa, l'iqba, l'iqlab, l'élision, l'articulation claire du mot, ou naturel de la lettre, l'iqlab, le mad, la prolongation, parce que chaque qari, il a ses fondements qui le distinguent d'un autre qari. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, Warsh il fait l'idgham de Del dans le Da. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Hafs il ne le fait pas, il dit فَقَدْ ضَلَّ. Warsh il dit فَقَدْ ضَلَّ directement. Donc ça, il y a une différence dans ce asl-là. Donc, les usul, ils sont une trentaine de usul, de fondements, l'ikhfa, l'izhar, l'iqlab, l'mad, l'waqf, l'ibtida, donc une série, on va en parler inshallah. Et le deuxième pilier sur lequel repose l'élocution spécifique, c'est ce qu'on appelle le farsh. Le farsh, c'est des noms qui sont dispersés dans le Coran, mais qui n'obéissent pas aux usuls, qui n'obéissent pas à ces règles fondamentales. Comme « وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ » روايات حفص إيه رواية ورش وما يخادعون إلا أنفسهم ننشزها ننشرها تبلو تتلو مما خطيئتهم مما خطيئاتهم دونك يا دي مو كوم سا كي سون ديسبيرسي اي كي ديفير دون قراءة ا اون اوتر نو زالون كومونسي بار بار لوكيسيون commune, l'ada al-mushtarak, ça c'est le plus simple. C'est-à-dire commune à tout qar, à tout qaré. Tous les qurra récitent, c'est-à-dire en cette élocution-là. C'est ce que les savants appellent, généralement le tajwid. Le tajwid, élocution commune. Commune à toutes les qara'at, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zones articulatoire des lettres. Makharij al-huruf. Makharij al-huruf. Certains appellent makharij al-huruf les points d'articulation. Mais en vérité, le point d'articulation, c'est le point de rapprochement ou de contact entre la partie mobile, à savoir la langue ou la lèvre inférieure, et la partie fixe, à savoir la lèvre supérieure, les dents, les alvéoles ou le palais de l'appareil phonateur. Makharij al-huruf. C'est l'ada al-mushtarak, c'est l'élocution commune. Le makharij al-huruf et aussi leurs caractéristiques, sifat al-huruf, leurs caractéristiques phonétiques, quand ils sont prononcés seuls. Donc, l'ada al-mushtarak, l'élocution commune, elle traite les zones articulatoires des lettres, leurs caractéristiques phonétiques quand ils sont prononcés seuls, et aussi les influences qu'ils subissent par les lettres qui les précèdent ou les lettres qui les suivent, ou l'arrêt ou le commencement. Donc, des fois, une même lettre, si elle est prise isolément, elle est prononcée d'une manière. Mais si elle est au milieu d'un mot, elle peut être influencée par le nom qui la précède ou qui la devance. Ou par le waqf, l'arrêt, ou par le commencement. Des livres ont été consacrés à l'élocution commune, qu'on appelle le tajwid. Quoique le tajwid s'applique à tout, normalement, c'est-à-dire même l'élocution spécifique, les osol, on les appelle aussi le tajwid. C'est juste un mustalah. Donc, j'ai dit, des livres ont été consacrés au tajwid, comme Kitab Tamhid, fi ilm tajwid ibn al-Jazari. Donc on définit le tajwid comme étant une science grâce à laquelle on sait comment donner à chaque lettre son droit inhérent et ce qu'il mérite du point de vue de son lieu d'articulation et de ses caractéristiques. C'est i'ta kull harfin haqqahu wa mustahaqqa. J'entends par droit sa prononciation quand elle est isolée. Donc le tajwid, une science grâce à laquelle on sait comment donner à chaque lettre son droit, ce qu'elle respecte comme prononciation, et ce qu'elle mérite du point de vue de son lieu d'articulation et de ses caractéristiques. Donc, je donne à la lettre son droit, c'est-à-dire son droit de sa prononciation quand elle est isolée, et j'entends par ce qu'elle mérite l'influence que subit cette prononciation par une lettre qui la précède ou une lettre qui la suit ou autre cause. Exemple, la lettre lam. Lam, quand on prononce le lam, on fait une pression vers le bas. Lam, lam. Vous constatez avec moi, lam, lam. On fait une pression vers le bas. C'est une lettre amincée, ce qu'on appelle harf al-stifala. Ça, c'est sa caractéristique. Elle est amincie. Son point d'articulation, c'est la partie latérale de la langue, surtout de la partie intérieure de la langue, et les alvéoles des dents supérieures. Soit la partie latérale, surtout droite ou gauche. La partie latérale droite, la plupart des gens, c'est la partie latérale droite. Ils touchent le haut, ils touchent les alvéoles des dents, ça veut dire les incisives et certaines molaires, certaines prémolaires. Donc ça donne le lam, lam, lam. Essayez de prononcer le lem, et vous allez constater que la partie latérale de la langue, droite ou gauche, touche les alvéoles des dents supérieures. Donc, quand on la prononce, on fait pression vers le bas et la mâchoire inférieure descend un peu vers le bas. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on prononce le lem. Mais dans le nom de Majesté Allah, Ism al-Jalal, on emphatise le lem. Quand on dit Allah, là c'est autre chose. On la grossit. On dit Allah. Allah. Wa qala Allahu. Qala, c'est on amincit. Mais Allah, c'est grossi. Qul huwa Allahu ahad. Qul, quand on dit qul, c'est aminci. Mais quand j'ai dit Allah, j'ai grossi, j'ai emphatisé le lam. Allah. Tafkhim. Donc, ce hukm contingent est dû à quoi? Il est dû à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un hukm arid. C'est un hukm, c'est la majesté d'Allah. Puisque il s'agit du nom d'Allah, donc il convient que je grossisse, que j'emphatise le lam. D'accord? Vous savez, nous savons, nos ulama, ils ont classé pour nous les lettres d'une manière qui nous facilite leur apprentissage. Nasr ibn Asim, par exemple, l'élève d'Abu al-Aswad al-Du'ali, Nasr ibn Asim est un des qurra. Il a classé les lettres selon leur graphie, c'est-à-dire les lettres qui ont une même graphie, il les a mis ensemble. La langue arabe se compose de 29 lettres. Il y a d'abord le alif. En fait, le alif, ce n'est pas un alif, mais une hamza. C'est le A. Le trait vertical que vous voyez n'est qu'un support, sinon c'est une hamza. On dit alif par abus de langage. Sinon, c'est une hamza. Hamza al-wasl, soit c'est une hamza qui est muette lors de la réunion, quand au milieu d'un mot, ou quand on fait la liaison, cas de liaison, ou hamza al-tahqiq, quand on la prononce a, akhada, stay-asa. C'est une hamza al-tahqiq bien prononcée. Donc, hamza, la première lettre, c'est hamza. Puis, ba, ta, tha. Le ba, ba, ta, ça, on a même graphie, seulement il diffère par les points diacritiques, le point en bas pour le ba, les deux points au-dessus pour le ta, et les trois points pour le ça. Jim, ha, kha, ils ont la même graphie. Del, zel, ra, zai, sin, shin, sod, do, ta, za, ain, rain. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, alif, puis le ya. Normalement, alif, mais ils écrivent lam alif. Ils écrivent le lam et puis ils mettent le alif après. On appelle ça lam alif, mais normalement, c'est un alif. Et puisque le alif doit être précédé d'une lettre, le alif doit être précédé d'une lettre. Parce que c'est une voyelle de prolongation. La, ma, ta. Les savants ont choisi le lam. Ce n'est ni la qui introduit la négation ou la prohibition, mais le alif. Le alif, qala, nama, ja'a. C'est un alif. Le qurra, concernant la science de l'élocution commune, par souci pédagogique, classe pour l'élève les lettres selon leur zone d'articulation. L'imam Shatibi. Ce génie, ce grand imam, Al-Qasim ibn Firro, qui est né en 538 de l'Égypte, c'est-à-dire vers le 12e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire vers les années 1100, en Espagne musulmane, en Andalus, il est mort vers le 12e siècle, c'est-à-dire vers la fin, vers 1180. 94, 80, c'est-à-dire la fin du 12e siècle. À ne pas confondre, bien sûr, avec le Shatibi, l'imam Shatibi Abu Ishaq, l'auteur des Mouafaqat et l'auteur du Kitab l'Irtisam, parce qu'il y a des siècles à peu près deux siècles les séparent. Subhanallah, certains frères ne connaissent pas ces grands imams. Ils ne connaissent pas les trésors du ilm que détient Le Maghreb. Le Maghreb a négligé, c'est vrai, Maghreb, il a négligé son patrimoine et il a laissé un vide sur ce plan. Le Maghreb détient une grande école du fiqh, grande école d'exégèse, hein? Abou Hayyan al-Andalousi, l'imam Qurtubi, Ibn Atiyah, c'est une grande école. Mais malheureusement, il a laissé ce vide qui a été comblé par les savants d'Orient, du Charq. Nous les remercions d'ailleurs énormément pour ce travail. Ils sont nos références et le ilm, bien sûr, ne connaît pas de frontières. Mais le problème n'est pas, ce ne sont pas les ulémas. Mais le problème, c'est certains frères qui ont voulu, subhanallah, imposer certaines choses qui caractérisent l'Orient en Occident. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, vous savez, c'est ce qui a fait qu'il y ait parfois des heurts entre certains frères qui n'ont pas la sagesse et qui veulent imposer, qui dans leur tête, le fiqh et toute la science, le ilm, c'est l'Orient, c'est le madhhab hanbali. Ils ne connaissent pas, c'est le problème de diversité, ils ne connaissent pas les autres écoles, ils ne connaissent pas le patrimoine dont jouit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et toute la civilisation qui a été bâtie sur ce fiqh-là et sur ces usuls-là, la civilisation arabe en Espagne. Chaque région, normalement, où chaque pays a un patrimoine et suit une école. Hein? Les Maghrébins, ils se prévalent du kitab de Tamhid ibn Abd al-Barr ou de son autre livre, l'Istidkar, un chef-d'œuvre, et ils ont tout à fait raison de se vanter de ce grand livre. Hein? Les Shafi'ites, ils se vantent d'avoir le livre Al-Majmou' de l'imam Nawawi, hein? Le madhhab Shafi'i qui est en Égypte et en Indonésie et dans d'autres pays, ils ont tout à fait raison de s'en vanter. Les Hanafites, ils se prévalent du kitab Bada'i' Sana'i' fi Tartib Shara'i' dans le fiqh d'Abou Bakr al-Kassani, ils ont tout à fait raison, c'est un chef-d'œuvre, hein? Chef-d'œuvre, il a été en avance par rapport à son époque dans la classification des chapitres de son livre. Les Hanbalites, il se prévalent du kitab Al-Mughni d'Ibn Qudama Al-Maqdisi, c'est un chef-d'œuvre, oui, mais le fait de l'imposer et de dire que c'est ça la référence, c'est ce qui est plus proche du délil, sans respect pour les autres écoles, subhanallah, tu n'es pas un muhakkik pour juger que telle école est meilleure que telle école. Une école, ça a duré des siècles, ça se prolonge durant 12 siècles, 12 siècles de savants, 12 siècles de muhakkikin, 12 siècles de ulama de l'usul, de mufassirin. C'est tout un patrimoine, c'est tout un corpus. Tu ne peux pas dire que telle école est meilleure que telle école. Hein? Le madhhab Hanafite, toute une dynastie, les Abbasides et la dynastie des Ottomans, le Khilafat al-Othmaniyya, s'est fondée sur le fiqh Hanafite. Vous vous rendez compte là, le riche patrimoine dont détient cette école-là. Donc, il ne faut pas être borné et monolithique dans son esprit, attention. Subhanallah, il y a des choses comme ça, des problèmes. La Risala de Bouzid al-Qirawani, très belle Risala dans l'Aqida que les Maghrébins connaissent. Pourquoi leur imposer d'autres? Pourquoi leur imposer d'autres moutons du Aqida? Alors qu'ils ont une très belle Risala. Les Hanafites, ils ont par exemple l'Aqida de l'imam Tahawi, Tahawiya. Ça, il faut faire très attention à ce genre de choses. Il faut respecter les diversités, il ne faut pas imposer certaines choses. Du moment, d'accord, quand une école a raison, quand elle est proche du Dalil, on lui dit. Mais d'imposer certaines choses, parfois contrevenir à certaines cultures et tout, non. Il faut être sage. Revenons à l'imam Chatibi, ça c'est juste entre parenthèses. Chatibi, ce grand imam qui a fait un poème, il a fait un poème de 1173 beits, c'est-à-dire que chaque beit c'est un doublé, c'est deux vers. Bon, c'est en tout, c'est à peu près 2346 vers sur les 7 qira'at. C'est le poème qui s'appelle Harz al-Amani wa Wajh al-Thani. C'est ce qu'on appelle Chatibiyya, qu'on enseigne en Arabie Saoudite et dans beaucoup d'autres pays dans le qira'at. Il a fait ce grand poème et il a fait aussi dans Il a fait un autre poème sur la graphie du Coran, sur le rasm, Aqilat Atrab al-Qasaid fi Asna al-Maqasid, et un autre poème, Nazimat al-Zahr, sur le nombre des versets du Coran. Il a fait un poème de 500 bayts où il résume le Kitab Tamhid d'Ibn Abd al-Barr al-Maliki, ce qui a expliqué le. C'est une explication du Muwatta de l'imam Malik. Et cette Chatibia, beaucoup ont fait l'explication, hein. Donc, l'imam Chatibi, dans son poème Hirz al-Amani, Chatibia, les élèves, enfin les savants, ils font ces poèmes scientifiques pour faciliter l'apprentissage aux élèves. Des fois, certaines règles, ils font certaines règles, ils les mettent sous forme d'un poème pour faciliter sa récitation, pour leur récitation par l'élève. Et lui, l'imam Chatibi, il a classé les points d'articulation, les zones d'articulation des lettres, en commençant, c'est-à-dire du larynx jusqu'aux lèvres. Dans Qasidat Chatibi, il dit: Wa fi awwalin min kelmi baytin jam'uha siwa arba'in fihinna kelmatun awwala. Il a dit, dans le premier vers, il a dit la première lettre de chaque mot des deux vers qui vont suivre, sauf le premier mot dont les quatre lettres sont comptées. Donc, il a cité lettre par lettre les mots qui sortent d'après leur zone d'articulation. Hein? Comme le Hamza, le A et le Ha, suivi du A. Suivi du ha, suivi du rein. Lui, il a fait ça sous forme de vers de poème. Il a dit: Aha'a, hasha, rawin, khala, qari'in, kama, jara, shartu, yusra, dari'in, la, hanu, fala. Ra'a, tuhra, dinin, tammahu, zillu, zi, thana, safa, sajlu, zuhdin, fi, wujuhi, bani, mala. C'est-à-dire, il a cité tous les hurufs, toutes les lettres, selon leur ordre de sortie, c'est-à-dire leur point d'articulation, de l'intérieur vers l'extérieur. Aha'a, hasha, rawin. Aha'a, il a dit toutes les lettres qui composent ce mot-là. A-ha-a. Le hamza et le ha, il y a le alif, il y a le ayn. Le hamza et le a, il est à l'intérieur. Ha aussi, il sort de l'intérieur, du larynx. Pharynx, le ayn, hacha, il est de l'intérieur, raouin, kha, qa. Donc, dans la prononciation de ces lettres-là, vous allez constater que les zones d'articulation de ces lettres évoluent de l'intérieur de la bouche vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. A. Vous constatez A, c'est de l'intérieur. A, c'est de l'intérieur. Hein? Et ha, ra, raouin, ra. Donc chaque première lettre d'un mot de ces vers-là, il faut tenir considération de ce mot, de ce lettre-là et de sa zone d'articulation. Donc, aha, hasha, ha, rawin, la première lettre du mot. Rawin, sera la première khala, la première lettre du mot khala sera la première lettre du mot qari'in sera, et on évolue de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il a dit safa sajlu zuhdin fi wujuhi bani mala. Mala, c'est la dernière lettre, c'est lettre labiale M. Elle ferme toutes les lettres, c'est la dernière lettre. La première, c'est A, c'est de l'intérieur. Donc, avant de commencer les vers, je signale que les trois lettres qu'on prononce, ce qu'on appelle huruf al-mad, ya, wa et alif, comme bi, bou, ba, le ya, c'est bi, c'est un ya qui est précédé de la fatha, et le wa précédé de la dhamma, pardon, le ya précédé de la kasra. Le waw précédé de la dhamma et le alif précédé de la fatha, ça, les savants disent, ce sont des lettres huruf al-jawf, c'est-à-dire ils sortent du creux de la bouche. Ils sortent du creux de la bouche. Ba, bou, bi, c'est du creux de la bouche, c'est l'intérieur de la bouche. C'est des consonnes, en fait, c'est des consonnes converties en voyelles longues. Le waw, le ya et le. Sauf le alif il est toujours sakin. Le wa ou le ya. Oui, parce qu'on peut dire waylun, ça devient alors une consonne dans ce cas. Mais quand il est précédé d'une damma, ça devient une voyelle longue. Bon, nous passons maintenant au vers, le vers, les vers de ce poème-là. Bon, tu as la hamza, puis tu as la ha, puis tu as la hamza, puis tu as la ha. Ce sont deux lettres laryngales. Le hamza et le ha. Le hamza et le ha juste après. Les savants classent ces deux lettres parmi les lettres de la partie antérieure de la gorge. On dit harofu aqsal al-halq. Le ha il est comparable au h aspiré, comme homme. Ou pas, non, le hamza il est comparable au h aspiré, homme. Histoire. Seulement, il est plus intense. La hamza, il est plus intense en arabe. Le a, ya'tuna, ya'tuna. Le ha vient après. Ihdina, ihdina. Ça, c'est le ha. Ihdina. Pour le ha, éviter l'aspiration très légère. Et il y a des frères qui disent ihdina, ihdina. Non, c'est ihdina. Donc, j'ai la hamza, j'ai le ha. Et puis après, j'ai le ayn, ayn, le ayn. Le aïn, ça se prononce aïn, et juste après, hacha, hein, et c'est le ha. Donc j'ai le aïn et le ha. Donc, faut les prononcer. Pour bien les prononcer, il faut les précéder d'un soukoun. Dites ah, ah, ah, ah. Ces deux lettres sont lettres de la partie médiane de la gorge. Hurouf ou wasat el halq. Aïn, c'est une pharyngale fricative sonore. Attention, le aïn arabe est plus profond que le aïn que beaucoup prononcent. An'amta, certains prononcent an'amta, an'amta, an'amta. Il faut dire an'amta, c'est une sonore. Et le ha, c'est une pharyngale fricative sourde. Ha, ha, ha. Il n'y a pas de contact de la langue avec le palais. Ha, ha. Ar-Rahman, ar-Rahim. Ne dites pas Rahim. Rahim, dites ah, ah, si vous voulez bien le prononcer. L'autre mot dans ce vers-là, c'est Rawin Khala. Rawin Khala, la lettre Rain et la lettre Kha. La lettre Rain, puis la lettre Kha. Donc, Akh, Ar, Akh, Ghayr il Mardoubi alayhim. Donc, le Ra. C'est le R grasseillé. Seulement, il faut éviter de le vibrer. Il ne faut pas le vibrer. C'est-à-dire sans battement. C'est une consonne vélaire. Ra, ra. Le ra, c'est la jota espagnole. C'est où en allemand on dit Aachen. C'est une poste dorso-uvulaire sourde. On les appelle en arabe les lettres de la partie postérieure de la gorge. Huruf adna al-halqla. C'est-à-dire on évolue de l'intérieur de la gorge vers l'extérieur. A. Ha. Puis j'évolue. A. Puis j'évolue. Ha. Là j'approche. J'approche de la bouche. Ha. Puis là, ra. Puis ha. Donc j'évolue. Ça c'est pour le j'ai dit pour le ra et pour le ra. Donc j'ai parlé des premiers points d'articulation, c'est-à-dire le harouf el jouf, ba bou bi les trois voyelles, a ou i les voyelles longues, c'est de l'intérieur de la bouche. Puis le deuxième point d'articulation, deuxième zone d'articulation, c'est la gorge, et il comporte ces six harouf, ces six lettres que je viens de citer. La hamza, le ha, le a, le ha, le ghin et le kha. Ça c'est huruf al-halq. L'imam Suyuti les cite dans le 34e chapitre de son Itran, dans le mode d'apprentissage du Coran. C'est bon? Donc ça c'est la deuxième zone d'articulation. Avant de passer aux lettres suivantes, nous allons parler un peu de l'anatomie du palais et de la langue. Parce que de la langue sort 18 lettres. Vous avez les lèvres. Je décris la partie supérieure. Les lèvres, la bouche. Hein. Les lèvres, vous avez les lèvres, les dents, les alvéoles, vous avez le palais dur. Et puis vous avez le voile du palais qui est la partie molle. Et après, vous avez la luette ou l'uvule. Et la langue en matière de phonétique articulatoire est divisée en trois parties. La partie antérieure, la partie médiane, puis la partie postérieure. Hein. Le segment pharyngien qui est tout au fond, non, on ne le compte pas. Donc, de la partie postérieure de la langue, il sort la lettre qaf. Qaf, quand la partie postérieure frappe le voile du palais, ça nous donne qaf, dites aq, aq, c'est une occlusive velaire, dorso-velaire, si vous voulez. C'est plus près, vous avez plus près du qaf vers la partie antérieure du palais, vous avez la lettre ka, kaf. Donc qaf, kaf, s'il y a un blocage complet de l'écoulement de l'air au niveau de la bouche, hein, du pharynx. C'est une occlusion momentanée du conduit vocal. Et la percussion, et la partie dorsale de la lèvre, il touche le palais, enfin le voile du palais, c'est-à-dire plus profond à l'intérieur. Juste après le kaf, j'ai dit le kaf. Le ka, c'est une dorsovélaire. C'est-à-dire, une dorsovélaire, il touche le voile du palais. Ka, ka, il y a ka. Et vers l'extérieur, il y a ka. Ces deux lettres sont des lettres de la partie postérieure de la langue. Je continue. Alors, j'ai ka et j'ai le ka. Ka, ka, kaf. Et si je relis le poème, j'ai hasharawin khala qari'in kama. Puis je continue. Jara, jara, shartu yusra dari'in la hanaf. Jara, et j'ai le jim et j'ai le shin. De la partie médiane de la langue, il y a la zone d'articulation de la lettre jim, shin et de la lettre ya. Et la lettre ya, commençons par le jim. Le jim, faut me suivre. Le jim, mes frères et sœurs, Le jim de la langue arabe est différent du j, la lettre g français. Le g français est une fricative. Hein? C'est une fricative. Il y a resserrement du conduit vocal sans fermeture complète de celui-ci. Il y a toujours de l'air qui passe. Hein? Il y a toujours de l'air qui passe dans le chenal phonatoire. N'est-ce pas? J, j. J. La langue, elle touche pas le haut, le palais. Le jim arabe est une occlusive, c'est-à-dire à un moment, il bloque l'air. Il y a fermeture du chenal expiratoire. Tabarak alladhi ja'ala. Ja'ala, et non pas ja. Ja, il y a de l'air qui passe, mais ja, la langue, il touche le haut, il touche le palais. تبارك الذي جعل لك جعل لك خيرا من ذلك جنات إنه pas جنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري et c'est pourquoi l'une des caractéristiques du jim c'est la qalqala et donc quand elle est affectée du sukun on prononce j et non pas j ou j j تجري الخروج C'est-à-dire une qalqala, il y a une percussion, là, on la sort. Tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Donc, il faut à ne pas confondre avec le G français. Et là, la zone d'articulation, c'est la partie médiane de la langue qui touche le palais dur. Hein? Hein, remarquez l'apex. L'apex, dans la lettre Jim, et l'apex enfin, le bout de la langue. Ne participe pas à l'articulation. Après le jim, il y a la lettre shin. Shi. Shi. Harof tafashi. Shi se disperse dans la bouche. C'est une fricative, bon. Suintante, dorsopalatale, sourde. Shi. Shi. La partie médiane de la langue, elle s'approche du palais sans le toucher. Hein? Il y a certes resserrement du chenal expiratoire, mais sans fermeture complète. Hein? ومن الناس من يشري لهو الحديث. ça la chine. La troisième lettre est la lettre ya. Ya, fricatif dorsopalatal, on appelle aussi la partie médiane de la langue, qui touche ou qui s'approche, plutôt, qui s'approche sans toucher, sans toucher, sans fermer le conduit vocal. Il n'y a pas rencontre entre la langue et le palais. L'air, il continue de sortir. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Iyaka, on ne dit pas Iyaka. Iyaka, ya, ya, ya. C'est une lettre amine. C'est comme le shin. Et comme le jim aussi. Donc, ça c'est concernant les lettres ya. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا يَا أَيْ. Donc, il y a remarqué avec moi que la partie post-dorsale de la langue se contracte, ouvrant le conduit vocal. La pointe de la langue, la pointe, il descend. Touche l'alvéole des dents inférieures concernant l'IA. Ya, ya, ya, ya. Là, le bout de la langue, il touche le bas. Donc ça c'est concernant la partie médiane de la langue. La bordure de la langue maintenant. De cette bordure, si je revois le poème, il me dit Dari'in la hanaufala. C'est le dad, l'am et le nun. Bon, la bordure de la langue, de cette bordure sort le da. Le da c'est quoi? C'est le dé emphatique. C'est-à-dire que tu as les deux parties latérales de la langue qui s'appuient sur le palais. Sur la jonction alvéole et les molaires. T'as la langue, les deux parties, le bout, la partie latérale, il touche le palais des dents supérieures. Et il touche aussi les molaires. Et il est vrai que la partie post-dorsale de la langue participe à ce contact avec le palais, mais la pression vient surtout des parties latérales de la langue. Da, da, da, da, da, da, da. Da, da, et elle touche les bouts de la langue, les parties latérales touchent les molaires, et il touche le haut. Ad, ad, voilà, dalin. Il y a glissement, c'est-à-dire, c'est une occlusive, il y a fermeture du chenal expiratoire, et sous cette pression, la langue est poussée légèrement jusqu'à toucher le bas des dents supérieures et les alvéoles. Il est poussé un peu. Da, da. Ben, si vous appuyez par l'apex, le bout de la langue, vous allez prononcer un del emphatisé et non pas un da. Le da, c'est la partie latérale qui touche les molaires. Et quand un débord de la partie antérieure de la langue et son bout entrent en contact avec les alvéoles et la région prépalatale, ça donne le lam. Le lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, au niveau de la prémolaire, l'âme, et aussi de la canine, et aussi les deux incisives. Il y a des droitiers et des gauchers concernant le lame. Il y a une partie qui touche ces endroits-là. Donc l'âme, c'est comme ça. Et ensuite, il y a l'apico-alvéolaire, le noun. Là, c'est de l'apex. Là. Ça sort le bout de la langue, la partie antérieure de la langue qui entre en contact avec l'alvéole des incisives supérieures et bloque le son qui passe dans la fosse nasale. Parce que c'est une lettre nasale. Pour vous rendre compte de la lettre noun, vous bouchez vos narines. Là, vous allez bloquer le noun. Vous ne pouvez pas prononcer le noun si vous bouchez, vous étouffez la lettre noun. Si vous fermez, vous bouchez vos narines, vous ne pouvez pas prononcer le noun. Donc, il bloque, le bout de la langue bloque l'air et le son, il passe dans la fosse nasale et ça te sort ce noun-là. Noun. والقلم وما يسطرون. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. D'accord? Donc le ra, il est proche du lem, sauf que le ra, il recule, il est vers l'extérieur. Et une partie seulement latérale du bout de la langue qui touche l'eau. Ra. Le lem, c'est toute une grande partie de la langue qui touche l'eau. Bon, vous avez j'ai parlé du ra là. Donc le nun, c'est. Le nôtre, c'est ce que je vous ai dit, il bloque et ça passe, le son passe dans la fosse nasale. L'aura, c'est la lettre qui vient après, c'est la pointe de la langue, elle est approchée des alvéoles, des incisives supérieures. Il n'y a pas d'occlusion dans l'aura, puisque l'air, il continue de passer. C'est un léger contact avec le palais. À ne pas rouler, bien sûr, attention, à ne pas faire le roulé français, hein, le surtout quand il y a la shadda. Vous ne dites pas Ar-Rahman Ar-Rahim, vous dites Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Hein? Il y a un creux qui se fait au milieu de la langue. L'aura, seulement l'aura, il se prononce de deux manières. Il y a l'aura aminci et l'aura emphatisé. Hein? Le point d'articulation est le même. Mais il y a l'aura aminci. Ça, c'est d'après les situations. Quand est-ce qu'on peut le prononcer? Ça, c'est autre chose. Hein? Normalement, l'aura qui est affectée d'une kasra, il est toujours aminci. Donc, nous avons parlé du lam, noun, ara, lam, noun, ra, ra'a. Et puis, si je suis les vers du poème, toharadinin, tsammahu, zillu, zi, sana, toharadinin, puis il y a, j'ai le ta, le del et le ta. Ils ont le même makhraj, c'est-à-dire ils ont la même zone, presque la même zone d'articulation. Ce sont des occlusives, le ta, le del et le ta, apico-alvéolaires, et à l'apex qui touche les alvéoles des dents supérieures. La pointe de la langue, ou la partie antérieure de la langue, il s'appuie contre les alvéoles des incisives supérieures. Quand il touche les incisives supérieures, les alvéoles des incisives, on a le T. Ta, ta. Si on avance très légèrement, on a le del, puis le ta. Seulement dans le ta, la partie dorsale de la langue monte vers le palais. On emphatise un peu. Hein? Ta, ta, ta, ta. Del, ta, ta. Ta, ça, ta la langue, la partie dorsale, la partie supérieure, il monte vers le haut. Le ta est proche du ta français, du time. Du time. Il est proche. Et le ta arabe n'est pas le t français. Mais quand le T est suivi de la lettre A comme table. Table, c'est proche, hein? Mais il est emphatisé. Attention, le ta, il n'est pas comme le T français. T. Même quand vous dites table, c'est à peu près la même chose, mais il est plus emphatique. Le ta, c'est ra ta. Wa qala ta, il fait ta. Il y a ta emphatique. Bon. Après ces lettres-là, nous avons les apico-dentales. Les apico-dentales, za, puis le zel, puis le sa. Le za, puis le zel, puis le sa. C'est-à-dire que vous avez le bout de la langue. Le bout de la langue, il entre en contact légèrement avec les deux incisives supérieures. Avec les deux incisives supérieures. Le bout de la langue. Il ne faut pas rentrer la langue à l'intérieur de la bouche. Et il ne faut pas la sortir. Za, za, za, za. Enfin, avec le bout des deux incisives supérieures. Za, et zal, et ça, c'est avec le bout. Donc, et j'ai dit, il ne faut pas rentrer la langue à l'intérieur de la bouche. Il ne faut pas la sortir. Certains, ils prononcent leur za. Et le quart de leur langue est à l'extérieur. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc le ça, il y a de l'air qui sort. Ça laisse passer de l'air. Le za, c'est un za emphatique. Donc il y a une différence entre le da et le za. Le da emphatique, c'est l'intérieur. L'intérieur, et vous avez la partie latérale les deux parties latérales de la langue, ils touchent les molaires, et les alvéoles des molaires, alors que le za, vous avez le bout de la langue qui est mis en jeu, c'est le bout de la langue qui touche le bout des incisives supérieures, za, za, ça. Ensuite, vous avez les trois sifflantes, sod, puis sin, puis za. Safa, sajlu, zuhdin. Saad, puis sin, puis za. On les appelle en arabe la même chose, huruf safir, les sifflantes. Le bout de la langue, il touche la face antérieure des deux incisives inférieures. Sad, sad, sa, sa, sa. Sin, sin, sin, sin, sin. Les deux incisives du milieu. Donc seulement la position de la partie dorsale de la langue et aussi les dents supérieures participent à cette phonation. Et c'est ce qu'on a, et là, c'est ce qui fait qu'il y ait une sifflante. Hein? D'accord? Donc on a le sa, j'ai dit le bout de la langue, il touche la face antérieure des deux incisives. Des deux incisives. Attends, c'est bon? Donc, les deux incisives inférieures. Donc, ça, sin, sin. Quand je dis à l'intérieur, c'est-à-dire la partie, c'est pas antérieure, mais à l'intérieur. C'est-à-dire la face qui est à l'intérieur de la bouche. À l'intérieur. Vous avez le bout de la langue. Il touche cette face-là qui est à l'intérieur. Des incisives inférieures. Qui sont au milieu. D'accord? Comme j'ai dit, la position de la partie dorsale de la langue et aussi des dents supérieures participent à cette phonation. Hein? Et c'est ce qui fait qu'on passe d'une dent sifflante à une autre. Hein? Le sad, il y a un sad emphatique. Il y a une pression vers le haut. Il y a une pression vers le haut. La langue ne touche pas le palais. Hein? Ce ne sont pas des occlusives. Hein, ce sont des constrictives, c'est comme dans le langage, comment dire, dans le langage phonétique. Dans certains livres du Tajwid, vous pouvez trouver dans des dessins, les dessins de la position de la langue, ils ont mis la langue en contact des incisives supérieures quand il s'agit des sifflantes, ce qui est faux. Faut faire très attention à ça. Certains prononcent le sad en arrondissant les lèvres. Ça ne se fonde sur aucune preuve en fait. Aucun des imams des qira'at ni des grammairiens n'a dit que les lèvres participent à la prononciation du sad. Ni Abu Amr Dani, ni Ibn Jazari, ni Ibn Jinni, ni autres. Ils arrondissent les so et puis ils arrondissent ses lèvres. Non, il ne faut pas arrondir les lèvres. Nous avons alors terminé les zones d'articulation qui se situent sur la langue, lisaniya, le huruf lisaniya, et il nous reste les labiales. Les lèvres, au niveau des lèvres. Les labiales, il y a le fa, puis il y a le waw, puis vous avez le ba, puis le mim. C'est le mim qui est le dernier. Hein? La lettre fa est certes une labiodentale. Seulement, il ne se prononce pas exactement comme le f français. Hein? Surtout quand le fa est suivi de la voyelle fa, falaise. La voyelle a, quand on dit falaise. Quand on dit, bon, femme, par exemple, ça se prononce comme ça. Et on la grossit. En français, on dit falaise, on grossit. Famille, on grossit le F. En arabe, non. Le fa est prononcé aminci. F, F. Et donc, le bout des incisives supérieures entre en contact avec l'intérieur de la lèvre inférieure. Vous avez le bout des incisives supérieures, il touche la lèvre. L'intérieur de la lèvre inférieure, l'intérieur, et pas le bout, pas l'extérieur. Si jamais vous appuyez avec vos incisives supérieures l'extérieur de la lèvre, ça va vous donner une fa grossie. Fa, fa, fa. Et c'est pas comme ça. C'est fa, fa, fa, fa, fa. Le waou, bon, le waou, c'est une arrondie. On arrondit les lèvres. Et puis le ba, c'est un ba aminci. Tabaraka, on ne dit pas tabaraka. Tabaraka. Ba, fa, tabarak alladhi ja'ala fi as-sama'i buruja, ba, pas le ba. D'accord? Le mime aussi, c'est un mime aminci, et non pas un mime grossi. C'est pas comme on dit maman, c'est ma, wa ma, et non pas wa ma atak, wa ma, wa ma, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh. Avec le mime, la bouche se ferme et c'est la dernière zone d'articulation. Là concernant les makharij al-huruf, les zones articulatoires des lettres. Nous allons passer maintenant, inchallah, je vais remettre ça au dars prochain, l'élocution spécifique, l'ada al-khas. Bon, je m'arrête à l'élocution commune et les maharij al-huruf. À la prochaine fois, inshallah. Subhanak Allah wa bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.